2h du mat, j'ai toujours pas mangé une fois de plus. Ce soir c'est la lune qui m'a logé, j'entends les riches dire que l'hiver sera pas long entre nous. J'aime pas faire pitié mais je sens pas très bon, j'aimerais bosser. Mais les gens ne sont pas tolérants, je dis la vérité. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus méchants, est-ce que je vois dans leurs yeux? Ça s'appelle le rejet, il me reste que ma dignité qui se transforme en déchet. Ça fait 6 ans que je suis dans un trou, grand cas pas possible, j'ai tout perdu. Ma maison, ma femme, mes enfants aussi, j'ai essayé de rester fort. Faire des efforts, à chaque fois j'essaie, c'est comme si la vie m'en veut encore. Tout détruit, un petit feu, mais j'en mets personne. Des fois je pleure, car à l'enterrement, je sais qu'il y aura personne à l'abandon. J'ai aucune news de ma fille, je suis perdu, car j'ai rien compris au sens de la vie pour oublier. Je bois beaucoup, je prends des relaxants, mon fils passe à côté de moi comme si j'étais absent. Je suis arrivé, il y a 40 ans en France, j'avais l'accent, j'ai bossé. Je leur ai tout donné, et ça c'est blessant. Je suis tout seul, je suis tout seul, je suis tout seul sur le monde, je suis tout seul. Hey, je suis tout seul, je suis sur le monde, je suis tout seul, je suis tout seul. Ouais. Je vis dans la rue, je suis mal aimé. J'arrive pas à m'en sortir. Vraiment habillé propre avec les sous que je n'ai pas. Ouais, ouais. La nuit je marche des heures comme un vieux loup solitaire. Je suis condamné, je peux pas rêver. Je fais que des cauchemars. Et si le monde demain n'existait pas, je crois que je dormirais mieux, je dormirais mieux. La vérité je m'en veux. Mais je sais pas pourquoi, je vous vois bien. Des fois je vous en veux, plus que je vous envie, je sais pas pourquoi. Je suis pas mauvais, j'ai pas la haine, je suis pas un voyou. À ces gens je leur ai souri, mais j'ai reçu des cailloux. On m'a dit débrouille-toi, clochard, t'as des braves à voler. Mais je suis trop fier pour qu'on m'attrape pour un bout de pain. Même dire non, va me répondre, ouais c'est déjà un cadeau. Avant-hier la police m'a jeté dans une flaque d'eau. Avant j'étais bien, mais le bonheur fallait pas s'y faire. Elle m'a mis dehors sans affaire, un beau soir d'hiver. J'ai dormi dans ma voiture et puis j'ai perdu mon taf. Un cercle vicieux qui finit dans l'impasse. Ça m'endurcit, mais noircit le cœur. J'ai été bon, je crois que c'était l'erreur. Plus bactère, j'ai mon âme au fond d'un puits. C'est l'amour qui m'a détruit. Je vis dans la rue, je suis mal aimé. J'arrive pas à m'en sortir. Vraiment habillé propre avec les sous que je n'ai pas. Ouais, la nuit je marche des heures comme un vieux loup solitaire. Je suis condamné, je peux pas rêver. Je fais que des cauchemars. Et si le monde demain n'existait pas, je crois que je dormirais mieux, je dormirais mieux. La nuit passe, le jour je suis dans le noir. Cœur est tombé, je suis dans le noir. J'ai peur de voir un monstre dans le miroir. Personne va me trouver. Je vis dans la rue, je suis mal aimé. J'arrive pas à m'en sortir. Vraiment habillé propre avec les sous que je n'ai pas. Ouais. La nuit je marche des heures comme un vieux loup solitaire. Je suis condamné, je peux pas rêver. Je fais que des cauchemars. Et si le monde demain n'existait pas, je crois que je dormirais mieux, je dormirais mieux. Je vis dans la rue, je suis mal aimé. J'arrive pas à m'en sortir. Comment s'habiller pour avoir des